Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce, dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Or l'espérance ne confond point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore privés de toute force, Christ est mort en son temps pour nous, qui étions des impies. Or à grande peine arrive-t-il, que quelqu'un meure pour un juste, mais encore il pourrait être, que quelqu'un voudrait bien mourir pour un bienfaiteur. Mais Dieu signale son amour envers nous en ce que, lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré au monde, la mort y est aussi entrée par le péché, et ainsi la mort est parvenue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi le péché était au monde, or le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché de la manière en laquelle Adam avait péché, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul plusieurs sont morts, beaucoup plus tôt la grâce de Dieu, et le don par la grâce, qui est d'un seul homme, savoir de Jésus-Christ, a abondé sur plusieurs. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car la condamnation vient d'une seule faute, mais le don de la justification s'étend à plusieurs péchés. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don de la justice, régneront en vie par un seul, qui est Jésus-Christ. Comme donc par un seul péché les hommes, sont assujettis à la condamnation, ainsi par une seule justice justifiante le don, est venu sur tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul plusieurs seront rendus justes. Or la loi est intervenue, afin que l'offense abondât, mais où le péché a abondé, la grâce a abondé par-dessus. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour conduire à la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.